Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Samedi 5 mars, soyez les bienvenus, c'est le Flycase jusqu'à 20h, jusqu'à 18h. Et oui, avec un nouveau classement cette semaine, un nouveau numéro 1 également. On aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis pas trop de changements finalement dans ce classement. Une seule petite entrée et une seule petite sortie également. La sortie de Lucas de Bonheur avec Keep This Party Rocking. Numéro 20. Alors on revanche une seule entrée et par contre on aura pas mal de petites nouveautés à vous proposer, de petites propositions. Ce sera tout à l'heure jusque 18h. En attendant, voici la 20e position, c'est la lanterne rouge, ça sent mauvais également pour ce titre. Hein. La reprise des Sister Sledge, Me and My Tooth Bros Gold Member, numéro 20. numéro 19. Fin du classement, et je crois que c'est les dernières semaines d'ailleurs. C'est à vous de réagir. Hein. Facebook, Flycase, bien évidemment. On comptabilise tous vos votes. Et puis on tient compte également de toutes vos propositions. On écoute tout. Et puis on sélectionne le tour. Eh, et ça se passe comme ça. 19e, 4 places au moins pour Kovari. C'était Oshol I'll Raise. Et numéro 20, juste auparavant, 2 places au moins pour Me and My Tooth Bros avec Goal Member. Les 20 indispensables sur Galaxy numéro 18.

Curtis sur Galaxy. Numéro 16. Les 20 titres incontournables, c'est tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 16 à l'instant 3 places au moins pour Rome Acoustique avec le nouveau titre Panthère. C'est le remix de Format Bill, numéro 17, une place au moins pour Fred Everything avec Gilles Churching, le remix de Detroit, et numéro 18, ex numéro 1. Ça gagne une petite place, ça regagne un tout petit peu de terrain. Alex Goffer et Etienne Ducrécy avec Smile. Tous les jours dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy, shake it girl, shake it. Et nous sommes samedi ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jean B que vous allez retrouver, 21h Franck Lido, à 22h Digitom, 23h Marty, minuit Storm, 1h Digigus, 2h Mark Lower, à partir de 3h Seth Santos et à 4h du mat jusqu'à 5h c'est Pierre Terry. Tout de suite, on fait une petite proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Tiens, c'est quelque chose que vous nous avez proposé d'ailleurs sur Facebook Flycase. On l'a écouté, on a estimé que c'était bien de vous diffuser. Donc voici le nouveau Justin et Ferric Down, ça s'appelle Main Enough. Très très bon après-midi. Vous écoutez Galaxy Flycase jusqu'à 18h. Font bouger. Flycase. Numéro 15. Flycase. Nouveauté. Flycase. Flycase. Flycase. Flycase. Flycase. Flycase. Flycase. Flycase. Flycase. Flycase. But you'll never let the burning stop. The fear in your eyes, from falling deeper. Wear your disguise to cover up. Roll of the dice, put us together. We're together now. We're together now. We'll be right back.

Morceau Galaxy dans ce classement de Flakes numéro 14. Ça gagne 3 places cette semaine. C'était Nora and Pure avec Morning Dew. Et numéro 15, juste auparavant, Magician avec Together. C'est le remix Lucas and Steve. Bon après-midi. Les 28 indispensables. Yeah, yeah. Numéro 13. We're not gonna lose. Curtis. Je t'aime comme la vache me l'herbe. Numéro 11. Position numéro 11 à la 103 place le mieux pour Eddie Amador avec Race, le remix de Robosonic. Numéro 12, pas de changement par rapport à la semaine dernière pour Ramen Tapia avec Yellow Submarine et pointé numéro 13 juste auparavant, 4 places au moins pour cet ex-numéro 1 également. Ça a cartonné durant quelques semaines dans ce classement du Flycase. Too Much Information, Dele, Sosimi, Afrobeat, Orchestra, rien que ça, c'était le remix de Laoulou. Et puis attention, on va se faire un petit plaisir, tiens. Il nous reste 3 minutes avant d'atteindre le top des 17h. On va faire un petit hommage, tiens, les 25 ans de disparition de Serge Gainsbourg. Moi, j'avais envie de vous proposer, tiens, Love on the Beat. C'était une version remixée par Monet. C'était sorti en 2005. Love, love. chose sérieuse, une poupée jolie. Tu as envie d'une overdose de baise, voilà. À 25 ans, Serge Gainsbourg, un petit génie. Bon, en tout cas, voici le récapitulatif entre la position numéro 20 et la position numéro 11 dans ce classement du Flycase numéro 20. Ça perd deux places. Me and my Tooth Bros, Gold Member. Numéro 19. Numéro 19, 4 places au moins pour Kovari cette semaine avec How Shall I Raise. Petite place de mieux cette semaine pour Alex Goffer, il reprend du terrain avec Étienne Ducrécy, Smile, numéro 18. Numéro 17. Excellent également Fred Everything et Gina Douf avec Turting, c'est le remix de D-Tron, numéro 17, et ça perd une petite place. Le retour de Rome Acoustique dans ce classement du Flycase avec la position numéro 16, Panther. C'est le remix de Panther, le remix de Format Fit, 3 places de moins. Numéro 15. Une seule entrée, elle est ici, de Magician, le groupe belge qui nous revient avec Together. C'est le remix de Lucas and Steve. Numéro 14. Petite découverte de Galaxy, Norine Pure, pointé numéro 14 avec l'accent du samedi évidemment. Trois places de mieux, ça s'appelle Morning Diouf. Numéro 13. Numéro 13, excellent, ce classement du Flycase également. La musique du soleil, ça perd 4 places, Zélé Sosimi Afrobeat avec Too Much Information, le remix de Laoulou. Ramon Tapia qui nous revient depuis quelques années avec un nouveau titre, ça s'appelle Yellow Submarine, numéro 12, pas de changement par rapport à la semaine dernière. Numéro 11. Et enfin numéro 11, c'est Daily Mader à l'instant avec Raze, le remix de Robosonic, numéro 11, ça gagne 3 places. Numéro 10. Allez, on est parti, 17h02, bienvenue, bon après-midi. Voici les 10 meilleurs de ce classement. Nouveau numéro 1 tout à l'heure aux alentours des 18h, un petit peu avant. Et puis en attendant, voici la position numéro 10. Ça perd deux places, le Captain, le remix de Tube & Burger, de Only Sing, le nouveau titre. Thank you.

sur Galaxy. Numéro 6. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 6ème position à l'instant, c'était Red Axis et Abrao avec Sabor. Petite découverte également, ça gagne une place. 3 places de mieux juste auparavant pour Love Burns avec National et numéro 8. C'était DJ Leroy, X numéro 1 ce classement du Flykies également en compagnie de Roland Clark. Ça s'appelle I Get Deep, I Get Deep, I Get Deep. Ça perd 2 places. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émission thématique et DJs rythme les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi ce soir sur Galaxy. À partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver. 21h, Funk Lido. 22h, DJ Tom. 23h, Marty. À partir de minuit, DJ Storm. 1h, DJ Gus. 2h, Mark Lower. 3h, Seth Santos. Et de 4h à 5h, ce sera Pierre Terry pour clôturer cette soirée mix. Bien évidemment, tout de suite. Allez, on se fait une petite promotion d'entrée pour la semaine prochaine. Le groupe s'appelle Koyo, Who's Wearing the Trousers. C'est maintenant, et c'est à vous de voter Facebook Flykez.

spécial Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif de ce Flycase pour les 10 premiers de cette semaine en ce 5 mars déjà, et oui, c'est bientôt le printemps. Numéro 10, Clapton avec Only Sing, le remix de Tube and Burger, ça perd 2 places. Numéro 9. Numéro 9, 2 places au mieux par contre pour Noir and Judge avec Keep Up. Numéro 1 sur Flycase, ça perd des petites places, 2 places au moins cette semaine pour Aigedip, DJ Leroy, Ronin Clark, numéro 8. But I catch myself right on time, right on line with the beat, and it's so sweet, sweet. Numéro 7. Numéro 7, petite découverte Galaxy, Lovebirds avec National, ça gagne 3 places. Red X's, c'est la position numéro 6, ça gagne une petite place avec Abrao Sabor. Numéro 5. Pas trop de changements cette semaine, hein. Les 5 premiers, c'est le cas notamment pour la position numéro 5, pas de changement du tout d'ailleurs. Position stationnaire, Sonny Fodera et Yasmin avec Feeling You. Numéro 4, une petite place au moins pour cet ex numéro également Written et Calo avec Rinse and Repeat. Numéro 3. Numéro 3, c'est bien parti pour être un numéro 1, ça. It's Everything, on adore, ça s'appelle Big Disc, ça gagne une petite place. Et enfin numéro 2, ça perd une petite place cette semaine, Garshon Jackson avec Take It Easy, le remix de Sonny Fodera et Matt Joe. Nouveau numéro 1, vous êtes nombreux à nous demander les références de ce titre, ça s'appelle Jen Faris, tout simplement, le titre Time, c'est la position numéro 1, ça gagne une petite place, et puis on vous fera une petite surprise juste après, tiens, on vous a trouvé un petit extrait de l'original tout à l'heure. Hey. We'll be right back. Flakez, nouveau numéro 1 dans ce classement de Flakez. Et oui, c'était Jane Faris avec Time. Et puis on vous l'avait dit, on a retrouvé la version originale. Si on veut vous en proposer un petit extrait d'une minute, le temps de retrouver Matt le Matou, le temps qu'il se prépare. Il arrive avec In and Out et tous les bons plans ne pas manquer. Ce sera d'ici quelques instants. Puis en attendant, on vous parlait de la version originale de Jane Faris. On l'a retrouvé, c'est un vieux titre disco de 79. Écoutez, ils sont pas foulés, hein. Ça s'appelle Space Base. Et c'est ce qu'on vous propose maintenant. C'est une version maxi qui dure très très longtemps, comme les gros tubes disco de l'époque. 79 Slick avec Space Base, c'est la reprise de Jane Faris, le numéro 1 actuel de ce Flakez. Ben voilà, Flakez, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de voter. Facebook Flakez, dans un tout petit instant, c'est Matt le Matou que vous allez retrouver. Il est un petit peu en retard, je sais pas où il est. En tout cas, c'est lui que vous allez retrouver dans quelques instants, jusqu'à 20h, In and Out, avec tous les bons plans à ne pas manquer. C'est dans quelques instants. Bonne soirée, il est 18h.